Message de vie, donné à comprendre. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Nous sommes aujourd'hui appelés à nous poser de plus en plus de questions sur la qualité des aliments qui nous sont proposés et la manière dont ils sont cultivés. Notre terre nourrit l'homme depuis 10 000 ans. Nous la travaillons empiriquement que depuis 50 ans, en abusant de pesticides et d'engrais chimiques qui détruisent la microflore et la faune des sols, ainsi que de labours intensifs qui sont les causes de la disparition de la matière organique et de la désertification des sols. Ce n'est pas en détruisant le monde vivant que l'humanité survivra, c'est en rétablissant une harmonie entre elle et la terre. Pourquoi les paysans sont-ils devenus des exploitants agricoles, se rendant par là même prisonniers des semenciers en s'enlisant dans les OGM ? Pourquoi la production de nourriture est-elle devenue une production industrielle qui utilise le champ comme une usine, les plantes et les animaux comme des robots ? Lydia et Claude Bourguignon, nos invités aujourd'hui, ont analysé plus de 5000 sols et organisent des conférences à travers le monde. Ils nous invitent dans Message de vie, MES plus loin sage, à comprendre ce qui a bouleversé le monde paysan pour que vous puissiez, la prochaine fois, regarder les sols de la terre qui vous nourrit comme votre mère nourricière. C'est, je crois, aujourd'hui le 16 octobre, les petits paysans qui gueulent tous en même temps. Dans le monde entier, on célèbre la journée mondiale de la souveraineté alimentaire contre les Monsanto, Dupont de Nemours, pour le droit des peuples à se nourrir à leur faim et sans dégueulasser la terre et ses habitants. Oui, c'est une très belle journée. C'est très bien qu'on fasse des journées qui aient manifesté, que des gens se réunissent pour manifester. Ce qui serait bien, c'est que les politiques en prennent considération. Comment va la terre, c'est quand même important de savoir comment elle va. Claude prend toujours, dit toujours, en fait, les anciens ont appelé la planète Terre à bon escient, puisque si au niveau du pourcentage, on a beaucoup plus d'océans, il y a plus d'air, mais surtout plus d'océans, on aurait pu l'appeler la planète océan ou la planète mer. Et en fait, les anciens l'ont appelé Terre parce que il y a très très peu de terre. Enfin, pour nous, on se dit que plus de terre sur cette planète. Et c'est quand même cette terre qui nous nourrit et qui permet que nous soyons là. Le climat intègre la terre ? Les anciens, dans la notion de climat, la Bourgogne vient d'avoir à classer ses climats. Elle a bien mis, ils se sont battus pour classer les climats de la Bourgogne. Et quand on regarde les climats, il y a très longtemps que ça a été défini, parce que ça a été défini dès les bénédictins, donc en l'an 600. Et dans les climats, en fait, il y avait le climat, la pente, mais la notion de le climat, c'est le temps, quoi. Est-ce qu'il pleut ? Est-ce qu'il fait mauvais ? Alors que nous, maintenant, dans le climat, beaucoup de gens pensent que le climat, c'est que la météo. Mais en fait, les anciens, dans la notion de climat, ils intégraient la météo, ils intégraient le sol, ils intégraient la géologie, la pente, les vents. Donc en fait, c'était beaucoup plus global pour les anciens, le climat. Ils savaient que c'était le sol qui faisait le climat, alors que je crois que notre époque, elle croit que c'est le climat qui fait le sol. Notre époque, elle n'a pas bien compris comment ça marchait. Les anciens, ils avaient très bien compris. C'est pour ça que, comme Lydia, ils appelaient ça un climat. Ils savaient que c'est le sol qui faisait le climat. Sur les trois grandes périodes de notre humanité, il a fallu des milliers d'années pour passer de chasseur-cueilleur au nomade, puis ensuite au paysan. Il n'aura fallu qu'une génération, pour voir le monde paysan disparaître au profit de l'exploitant agricole. Que s'est-il passé ? Ben nous, on trouve très très important en fait la chronologie des mots. Dans les mots, dans ce que l'on nomme, en fait, il y a énormément de choses qui sont dites. Et c'est vrai, autrefois, on appelait ça le paysan. Le paysan, c'est le pays. Dans le paysan, il y a vraiment pays. Et donc, il avait un côté, quand on regarde les vieux, là, je suis en train de visionner des vieilles vidéos d'autrefois. Je veux dire, il y avait la beauté du paysage. Il y avait une intégration même du bâti. Quand vous regardez les villages, comment ils sont intégrés. Si vous allez en France, en Italie, en Espagne, dans ces pays qui ont une civilisation assez ancienne, ou même en Afrique, les villages sont totalement intégrés. Donc on faisait le pays, on faisait la beauté du pays. Et puis après, ils sont devenus agriculteurs. Donc là, on a commencé, il y a eu la notion de culture, d'agriculture, le champ. Et puis après, on est passé à exploitant agricole. Et là, l'exploitation, c'est totalement différent dans le mot d'exploitation. Et à ce moment-là, on a d'ailleurs passé l'agriculture, qui était dans le secteur secondaire, on l'a passé dans le secteur primaire, exactement comme les gens qui exploitent le charbon, qui exploitent la roche. C'est-à-dire, on a considéré qu'on pouvait exploiter la terre. Et nous, maintenant, on dit que les paysans, qui étaient devenus des agriculteurs, après des exploitants agricoles, sont des exploités agricoles, parce qu'ils sont totalement exploités par les multinationales. Il reste vraiment encore des paysans ? Non, il y a encore des paysans, mais au sens paysan... Il reste peut-être l'esprit, parce que des vrais agriculteurs en polyculture élevage, il y en a plus beaucoup aussi, les acteurs biologiques, et puis ça fait quoi, 3% quoi. Il y a encore 3% de paysans, tout le reste, c'est les exploitants agricoles. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, par exemple, les agriculteurs, quand on leur dit « vous êtes un paysan », pas moins les jeunes, mais même les anciens qui ont été tellement, on les a tellement surnommés avec des noms atroces, hein, les cutéreux, les ploucs, et j'en passe, c'est irrespect pour cette profession qui est... qui normalement devrait être la profession, où je ne veux pas dire qu'il faut se mettre à... Mais on devrait la respecter, c'est elle qui nous fait, qui nous nourrit, qui fait qu'on peut avoir des qualités d'aliments. Et je veux dire, on les a complètement mis de côté. Nous, quand on a travaillé au début, les anciens disaient « moi, je ne veux pas que mon fils ou ma fille reprenne la terre », tellement on avait l'impression que c'était une tare d'être paysan. Et en fait, ils préféraient de dire « je suis un exploitant ». Agricole. Le paysan n'a jamais eu la côte. Pendant longtemps, on le considérait comme un pollueur, engrais chimiques, pesticides, fongicides. Oui, c'est le plan Monnet, enfin le plan Monnet et le plan Marshall. Le plan Monnet, c'est le plan Marshall. Enfin, c'est l'entrée, c'est la destruction définitive du monde paysan en amenant l'industrie militaire dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va transformer les tanks en tracteurs, on va transformer la poudre à canon, le nitrate, en engrais chimiques, et on va transformer les... On va faire arracher toutes les haies en les remplaçant par des barbelés qui servaient à la guerre. Donc tout ce qui va être militaire, l'agent orange du Vietnam sera transformé en herbicide, tout ce qui était militaire, donc ces énormes industries qui gagnaient un argent fou à tuer des hommes, quand il n'y a plus de chair à canon, ils vont s'orienter pour détruire la vie, et pour ça, il faut que les paysans se mettent à tuer leurs chevaux pour acheter des tracteurs, à arracher les haies pour avoir barbelé, etc. Quoi. C'est comme ça qu'on tue le monde paysan. Comment, après la guerre, on demande, effectivement, les Français sont encore au ticket, ils font la queue pour se nourrir, donc là, le gouvernement dit qu'il faut donner à manger aux Français, il y a une obligation et tout. Et à ce moment-là, on voit comment on commence à montrer du doigt les paysans qui sont avec leurs chevaux, et il y a cette lenteur de travail, l'arrivée du tracteur, et donc cette viande, qu'est-ce qu'on en fait ? Et à ce moment-là, on prend même médicalement, moi je me souviens, on disait que la viande de cheval était excellente pour la santé, parce qu'il fallait bien l'écluser, il fallait bien avoir un argument, parce que bon, tuer les chevaux, les manger, il y avait des gens, c'était très très difficile. Donc on utilise un biais en disant, ben, c'est une viande qui est moins porteuse de parasites, chose qui est vraie, voilà. Mais on prend aussi un argument... et on voit comment en fait, y a de moins en moins de paysans, Et il y a des témoignages de paysans qui disent on n'avait pas de dette, on achète des tracteurs, on achète des produits, on devient endetté alors qu'on ne l'était pas. Donc ils peuvent plus y être, ils partent à la ville. Les maisons des paysans sont achetées par les bobos ou par les gens comme maisons de campagne. Et on voit, c'est l'explication de adieu paysan. C'est-à-dire que la France, tant qu'elle avait des paysans, elle avait une sécurité alimentaire. La France était le premier pays agricole européen. Et depuis qu'elle est passée dans ce modèle chimique, elle ne se nourrit plus. La France est importatrice, elle importe 65% de ses légumes, la moitié de sa viande, elle ne peut plus nourrir ses citoyens. Depuis qu'elle a fait la révolution verte, c'est depuis les années 70. Et avant, entre 46 et 70, il y a eu la modernisation et après elle a eu la révolution verte. Pourtant, entre 46 et 70, il y avait la famine en France après la guerre, plus personne n'avait à manger. Ils ont... Non, c'est faux. Il n'y a jamais eu de famine en France, jamais. La France non seulement a été capable de se nourrir pendant la guerre, mais elle a nourri toute l'armée allemande, il ne faut quand même pas l'oublier, il n'y a jamais eu de famine. Voilà. Il y avait des tickets, il y avait du rationnement, parce que les Allemands pillaient tout. Ils venaient, c'est eux qui embarquaient toutes les pommes de terre, toute la nourriture. C'est pour ça que les Français ont cultivé du topinambour et du rutabaga, parce que les Allemands n'aimaient pas le rutabaga, et le topinambour ne se conserve pas, il ne peut pas se transporter. Donc, c'est ce qu'on appelait la guerre, la résistance passive. C'était pour lutter contre l'armée allemande. Mais il n'y a pas eu de famine. Enfin, moi, mes parents ont vécu la guerre, ils m'ont jamais dit qu'ils avaient crevé de faim. Ils étaient rationnés, mais ils ont jamais... Au contraire, mon père me disait que jamais les filles n'avaient eu aussi d'aussi jolies jambes que pendant la guerre. Non, il n'y a pas eu de famine. La France se nourrissait très bien, il y avait juste un problème, effectivement. Alors que nous, on a travaillé en Afrique, où là, on est vraiment sur la famine. Mais ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout... En fait, ils avaient l'essentiel... Ils avaient, il y avait certainement moins de gaspillage, parce que quand on dit, alors en plus, on pourra en reparler, quand on dit qu'on ne peut pas nourrir la planète avec une terre en qualité, ça, on pourra raborder le sujet. Mais en fait, je rebondis avec Claude, pour Claude, c'est vrai que les gens étaient rationnés. Il y avait, les gens qui étaient en campagne ne subissaient pas, surtout ceux qui étaient rationnés, c'était ceux qui étaient en ville. Nous, que ce soit dans la famille de Claude, bon, moi, mes parents, ils étaient italiens, mais on a des témoignages de gens qui prenaient, qui habitaient la campagne, et ils avaient leurs poules, leurs œufs et tout, eux n'étaient pas rationnés. Qui était rationné? Les gens qui habitaient en ville, qui n'avaient pas leur jardin. Et donc, ils allaient même, ils faisaient du troc à vélo, ils allaient chercher. Mais ce n'était pas la famine. Dans le plan de Marshall, ils se sont appuyés même sur le fait qu'il y avait eu du marché noir. Ils ont dit, vous voyez, les paysans, c'est vraiment des salauds, ils ont fait du marché noir. Et bien sûr qu'ils ont, pour pouvoir justifier l'extermination des paysans par l'industrialisation. Parce que le peuple français était très attaché au monde paysan. C'était un peuple paysan. Donc, il n'y avait que ça. Donc, pour pouvoir le détruire, il fallait les rendre coupables. Et donc, on a joué sur le fait qu'effectivement, les villes, comme dit Lydia, ont eu du mal, étaient rationnées, avaient plus de mal à cimenter. Mais les campagnes françaises n'ont jamais crevé de faim. Oui. Moi, je ne pense pas que ce soit que politique. Je pense qu'il y avait déjà, c'était le début, et là, par contre, on en crève, l'arrivée des multinationales. L'arrivée de ces multinationales américaines et tout, qui, en fait, voulaient le prendre le marché. Et qui ont effectivement incité ces politiques, c'était déjà ça. Puisqu'en fait, un paysan, il n'avait pas besoin d'acheter du compost, il était en équilibre agro-silvopastoral, ils étaient totalement en autarcie, et quand vous êtes en autarcie, vous êtes libre. Et surtout, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'échange. Et pour faire un marché, pour créer en fait des échanges et de la monnaie, il fallait en fait faire en sorte que la céréale, on fasse des zones de France en céréaliculture, les animaux de l'autre côté, la forêt de l'eau, et à ce moment-là, vous êtes obligé d'échanger. Parce que l'agriculteur qui ne faisait que de la céréale n'avait plus de compost, donc il fallait qu'il prenne le fumier des bêtes. Et c'est ça qui a été. C'est qu'en fait, il a fallu aussi créer un marché. Message de vie. Donner à comprendre. La peur, on a fait peur s'il y a moyen de faire peur à cause des paysans qui vous volent, qui, eh bien, on va instituer. Mais je pense qu'il n'y a pas que politique, il y a cette notion du profit. On a commencé cette notion de profit, gagner de l'argent, faut gagner de l'argent, faut gagner de l'argent sur le dos des paysans. Un paysan qui avait sa ferme, même si c'était du parcellaire avec des petites surfaces, il avait, je dirais, son tas de fumier, c'était une image classique, le tas de fumier devant la ferme, c'est-à-dire qu'il avait son compost, il avait ses poules, il avait une vache dans un coin même avec le veau, il avait ses lapins, il faisait vivre sa mamie, il faisait vivre le coin. Ils étaient en autarcie, donc il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de marché, un paysan n'achetait rien. Nous, je viens de venir à notre laboratoire, on fait une étude globale chez l'agriculteur. On n'est pas là à lui dire que le côté chimique, et on est toujours dans la quantité, votre sol il a tant de calcium, tant de phosphore à l'hectare, il en manque, rajoutez ça. Nous, on est dans une globalité, savoir, bon, est-ce qu'il est vivant ? Comment est sa structure et sa texture, qu'est-ce qu'il a comme argile et effectivement qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il a du calcium, du phosphore, et puis globalement en fonction de ce qu'on a vu, on va lui le conseiller, mais on n'est pas tout de suite là à dire il vous manque du calcium, il vous manque du phosphore. Claude et Lydia Bourguignon dans Message de vie. Message de vie, donné à comprendre. Comment on peut éradiquer la faim dans le monde avec le surplus alimentaire, puisqu'on est dans une industrialisation, on devrait normalement ne plus avoir de famine. Alors, quand vous dites surplus alimentaire, oui, je suis d'accord, mais en fait, on fait croire qu'il n'y a pas de surplus alimentaire, et quand on dit si on respectait les sols, l'argument qu'on entend toujours, c'est de dire, oui, les bourguignons, c'est bien, vos trucs, votre manière de faire, vous travaillez pour les riches, les bobos, les parisiens, on a toujours ce genre de critique, mais en disant, le salarié qui a juste le SMIC, comment voulez-vous, ou quelqu'un qui est au chômage, enfin, on a toujours ce genre de propos, d'un air de dire, vous travaillez que pour l'élite. Mais quand on sait qu'on gaspille 40% de la nourriture, on jette entre 30 et 40% entre les ménages étant les plus importants, les supermarchés. Donc, quand on entend, oui, si on passait à une agriculture biologique, si tout le monde était biologique, il y aurait une diminution de 30%, ben, vous en jettez 40%. Donc, c'est difficile, 30 et 40, ça fait à peu près la même chose, 30 et 30, c'est égal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on jetterait moins. Mais effectivement, parce que des produits qui sont plus de qualité et tout, bah d'abord, déjà, ils s'abîment moins vite, donc on jetterait moins, et puis il y aurait moins de gaspillage. Le monde, les citoyens respecteraient un peu plus la nourriture, parce qu'il y a un irrespect total de la nourriture. Pour jeter à ce point de la nourriture, franchement, moi, bon, c'est une honte ce qu'on jette à la poubelle. Quand on pense qu'il y a des gens qui crèvent de faim et que nous, on jette des milliers et des milliers de tonnes de marchandises, on le voit sur les images ou même aux informations. Donc, le problème de la faim dans le monde, elle est totalement politique. C'est les guerres, c'est toujours ces multinationales qui créent ce genre de choses et qui font une instabilité politique. Nous, on travaille quand même dans plein de pays. On pourrait pourrait, mais en étant en accord avec le pays, quand on arrive avec nos gros sabots, là, en disant, bah oui, moi je suis l'ingénieur, là, en se disant, je connais tout, et qu'on se permet de donner des leçons à ces paysans qui connaissent mieux leur sol, qui connaissent mieux leur climat, qui savent, et qui disent, bah non, vous allez pouvoir faire tel type de culture alors que ça marchera pas. Ça, on a une part de responsabilité. Et ces multinationales sont responsables. C'est un problème étatique et un problème de multinationales qui fait qu'il y a de la faim dans le monde. C'est pas la réalité aussi toujours de la planète. Il y a aussi une volonté politique de... Ben, il y a qu'à regarder ce qui se passe. Il y a qu'à regarder en ce moment ce qui se passe entre toutes les guerres qui sont... des conflits qui sont aussi liés avec des gens qui... on peut dire que c'est politique, mais qui n'ont rien. Et donc, ils viennent dans les pays soi-disant riches. Quand on voit dans certains pays comment, pour exploiter du pétrole, pour exploiter des biens, pour notre industrialisation, on détruit énormément de surface aussi. C'est un pillage de ces pays au détriment de leur qualité. Oui, leur qualité de nourriture. Nous, on a travaillé au Burkina Faso, bon, on les pille d'une autre façon. Je veux dire, ils faisaient des haricots verts, ils mangent pas de haricots verts, mais c'était pour que nous, on ait nos haricots verts au mois de décembre sur la table et tout. Et ben donc, c'était au détriment du mil. Est-ce que, donc, et c'était avec des engrais, irrigation, c'était pas une culture adaptée pour ce pays-là. Mais il fallait, et c'était pas les Burkinabés qui mangeaient et qui profitaient de cette culture. Ils le vendaient, je sais pas combien. Par contre, nous, sur nos étals, en mois de décembre, on payait les haricots verts. Enfin, moi, je les achetais pas, hein. Mais quel était le profit? C'était pas le paysan, burkinabé. Et puis, quelque part, c'était pas nous non plus. Puisque les gens qui achetaient, c'est tous les intermédiaires, ils en foutaient plein les poches. Pour nous faire payer le haricot vert ou les fraises, le scandale des fraises sur Almeria, on a détruit toute la zone d'Almeria. Pourquoi? Pour que les gens aient leurs fraises au mois de décembre, en sachant que c'est un esclavagisme de la terre, mais c'est un esclavagisme des peuples. C'est pas l'Espagnol qui va travailler dans ces serres. C'est souvent des Africains avant c'était des personnes de l'Europe de l'Est. Il y a quelqu'un qui a fait un documentaire, La rançon de la fraise, on leur piquait leur passeport, ils sont complètement... C'est de l'esclavagisme. Comment on peut accepter ça? Au nom de la nourriture? Au nom pour avoir des fraises ou des produits comme ça? Donc le citoyen, il a aussi une part dans... Il faut aussi qu'il soit informé. Il a aussi une part quand il achète des fraises qui viennent d'Espagne au mois de décembre. Il faut qu'il ait l'idée en tête que quelque part, il y a de la souffrance de la terre et de la souffrance humaine. On parle d'une solution qui s'appelle l'agroécologie. Qu'est-ce que l'agroécologie? Ce serait la solution au problème de la famine? Non, l'agroécologie, c'est l'agriculture au vrai sens du terme, c'est-à-dire refaire. L'agriculture, c'est quoi? C'est la domestication du milieu sauvage. Donc il faut remettre les bêtes, remettre les cultures, remettre les forêts. C'est refaire un équilibre naturel, mais domestiqué. C'est ça, la vraie agriculture. Et c'est plus ce qu'on fait. On entasse les bêtes dans des usines, on fait de la monoculture, on fait tout sauf de l'agriculture. Mais la vraie agriculture, c'était l'équilibre agro-silvo-pastoral. Agro, le champ, silvo, la forêt, les haies et les bois, et pastoral, les pâtures. Donc autrefois, il faut que sur une même ferme, vous ayez des animaux, des céréales et des bois. Et à ce moment-là, il n'y a pas de pollution des sols, les tailles des haies servent à nourrir, les arbres servent à nourrir les bêtes et servent aussi de litière pour les tailles de haies. Il y a un cycle vertueux qui se crée et qui permet aux hommes de nourrir, comme ils ont toujours mangé tant qu'on leur a foutu la paix aux paysans. Vous savez, laissez un paysan tranquille, il se nourrit. Hein. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Dans ce que dit Claude, d'ailleurs, c'est étonnant, parce que quand vous allez dans des fermes et qu'on travaille avec des agriculteurs en céréales ou même chez des bêtes, vous verrez souvent, pas tous, mais de temps en temps, ils ont leur propre jardin. Et en fait, ils consomment ce qu'eux produisent, mais ils ne le produisent absolument pas de la même manière que... pour ce qui est vendu. Et il y en a même certains qui nous disent « Mais vous croyez quand même pas qu'on mange cette merde-là » Par exemple, on a travaillé pas en France, mais cette notion, on était chez des céréaliers et qui avaient des grandes cultures. Et il y a un moment, on parlait d'agriculteurs et puis on lui disait « Il faut que vous fassiez une rotation, votre sol ne permet pas... » Bon, j'ai plus vraiment en tête ce qu'on lui conseillait. Et il y a un moment, on lui dit, vous devriez faire, je crois que c'était de l'orge, mais bon, on ne va pas... Et là, il nous regarde, il dit, non, je ne peux pas la faire. On dit, pourquoi ? Il dit, parce que, vous comprenez, ça, je n'ai pas le marché, là. On lui dit, votre sol, si vous continuez comme ça... Et il y a un moment, il sourit, il dit, oui, c'est vrai. Mais vous savez, je ne suis plus agriculteur, je suis agri-trader. C'est-à-dire qu'il avait, il me montre son iPhone et il m'a dit, je suis branché tous les jours sur la bourse. Je vends, j'achète, je vends. Mais quand un agriculteur n'est que dans ça, il y a une vraie, les gens ne réalisent pas du tout. Mais par exemple des céréaliers, et ça c'est pratiquement mondial. Vous vous rendez compte que les céréaliers là ont semé, la plupart ont semé là, et pour certains ils ont déjà vendu un pourcentage de leur récolte. Elle est déjà vendue. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout... alors c'est sur un rendement moyen, c'est 30 ou 40% de leur récolte. Ils ne savent pas du tout quel climat il y aura. Ils ne savent pas du tout s'il peut y avoir une catastrophe et tout. Et s'ils n'ont pas ce qu'il y a... S'ils ont vendu 30 ou 40%, il y en a certains qui vendent la moitié de la récolte, au moment de la moisson, ils ont garanti tant de quintaux. S'ils n'ont pas, ils sont obligés d'acheter, à ce moment-là très cher, pour pouvoir fournir le marché qu'ils ont assuré. Donc en fait, ils vendent, quand il y avait ce problème, il ne faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, les agriculteurs sont tous là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vendent avant d'avoir produit. Et tout fonctionne comme ça, ce qui fait que ça permet cette spéculation. Puisqu'ils vont savoir qu'ils vont avoir tant de tonnage. Donc, il y a des gens qui vendent, qui ne vendent pas. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend. De vendre ce qu'on n'a pas. Parce qu'on ne l'a pas. Message de vie. Donné à comprendre. Et Lydia Bourguignon, dans Message de vie. J'ai l'impression que pour moi, la Terre, c'est le féminin. Le rapport que l'homme a avec la femme n'est pas très clair. Est-ce que ne pas reconnaître la femme pour ce qu'elle est, c'est évidemment ne pas reconnaître la Terre pour ce qu'elle est aussi, puisque la Terre est le féminin, symbolise le féminin. Donc si on ne respecte pas la femme, on ne respecte pas la Terre. L'approche que vous dites, et là on la dénonce... Moi, j'ai la chance d'avoir mon mari, enfin Claude, qui n'est pas du tout dans cette position-là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on dénonce dans tous les pays. Et les pays où où la femme est encore moins reconnue que ce qu'elle est reconnue en France ou en Europe, parce qu'on ne peut pas dire... On a encore énormément de problèmes, hein. La parité est loin d'être là. Il n'y a qu'à regarder dans le monde paysan une femme qui s'installe, comment elle est perçue. Elle n'est pas très bien perçue en tant que femme. Il y a encore un énorme machisme là-dessus, même si il y a une lutte là-dessus. Mais dans les pays où la femme est encore beaucoup plus en dessous, il n'y a aucun respect de la terre. Il n'y a pas de respect. L'agriculteur, il a une façon de... Quand on regarde la façon dont il travaille, cette manière de... Ces labours profonds, cette pénétration profonde, il y a un côté très, très machiste dans certains actes d'agriculture. Alors, c'est moi, une femme, qui en parle. Alors, on va dire tout de suite MLF et tout. Mais, bon, Claude pourra rebondir là-dessus. Je pense qu'on pourra aussi faire en sorte que il y a un équilibre. On parlait de l'équilibre agro-silvo-pastoral, mais je pense que on grandira énormément, et surtout dans ces pays où on a travaillé, où là il y a les femmes sont encore extrêmement, je dirais oui, pas esclaves, mais énormément rabaissées. Dans les pays où en plus ces femmes sont ne sont pas cultivées, mais cultivées dans le sens connaissance. C'est des pays où il y a une énorme explosion démographique, et ça c'est aussi un des problèmes de notre planète, c'est qu'elle n'est pas extensible. 7 milliards de personnes, il faudra aussi que ces pays où la femme sont seules, fait des enfants, le jour où on lui donnera une éducation, qu'on lui permettra d'aller à l'école, qu'on lui permettra de s'élever dans une société. À ce moment-là, il y a des choses qui vont se régler. Moi, je suis d'origine italienne. Bon, c'est plus présent, mais l'Europe était pareil. Les femmes étaient à la maison, étaient considérées, tu fais la vaisselle, faisaient énormément d'enfants. Le jour où elles ont pu avoir accès à la connaissance, à l'instruction, elles ont fait moins d'enfants. Elles ont permis d'ouvrir aussi, de faire que leurs époux, les hommes, ont aussi changé. Ça, c'est une évolution du monde. Et c'est pas faire... quand on aborde le problème des enfants, c'est pareil, dans les salles, moi quand j'aborde ça, je me fais traiter en disant oui, qu'est-ce que ça veut dire empêcher les femmes d'avoir des enfants. Je crois pas que la finalité d'une femme d'avoir 10 gamins, ce soit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour les économistes, enfin, et pour les gens qui veulent faire des profits, la femme c'est une usine à faire des enfants et l'enfant c'est un consommateur. Donc c'est pour ça qu'un pays comme la France continue à avoir une politique nataliste délirante, alors que bon, je veux dire, on ne peut pas dire que les Français soient une espèce en voie de disparition. Mais on continue à avoir cette notion parce que ça fait des futurs consommateurs. C'est comme ça qu'on voit les enfants, on ne les voit pas. Donc la femme, son rôle, c'est de faire des gosses pour faire tourner le business. Mais ce n'est pas faire des enfants pour être épanouie, ce n'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande de faire des consommateurs. Donc c'est pour ça que quand les gens disent « oui, on va se stabiliser à 9 milliards », on n'est pas parti pour se stabiliser à 9 milliards, au contraire. Ça continue à exploser. On augmente de plus de 100 millions d'habitants par an. On estime que l'Afrique atteindra bientôt 4 milliards d'habitants en 2050. C'est-à-dire qu'on voit plutôt l'humanité monter vers 12-15 milliards d'habitants. Ça va devenir totalement inhabitable, la planète. Totalement inhabitable. Il suffit d'aller dans un pays. Avec Lydia, on a connu l'Égypte quand il y avait 30 millions d'habitants dans les années 70. L'Égypte a 95 millions d'habitants maintenant. C'est un enfer. L'Égypte, c'est un enfer maintenant. Je veux dire, on ne peut plus parler d'un pays agréable à vivre. Enfin, je veux dire, c'est effrayant, quoi. Je pense qu'on fait aussi beaucoup d'enfants dans ces pays-là. C'est parce que... Alors bon, c'est peut-être la conséquence, c'est qu'en fait, on ne permet pas aux femmes d'aller à l'instruction. Elles sont quand même rabaissées. Comme le disait avant, quand tu auras l'instruction, des pays deviendront autonomes. Le peuple pourra penser par lui-même. Moi, je pense qu'il n'y a plus... La seule résistance... Il faut rentrer en résistance. Il ne faut pas seulement s'indigner. Il faut rentrer en résistance. On est comme dans une guerre, hein, dans une guerre économique. C'est pas une guerre militaire, c'est une guerre économique. Et si nous voulons survivre, faut rentrer en résistance. Et on a une arme pour la résistance, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut s'informer sur les réseaux sociaux parce que les médias sont maintenant appartiennent aux multinationales, donc elles mentent à longueur de journée. Il suffit de regarder un journal. C'est pas de l'information qu'ils font, c'est de la journal de désinformation. Donc si vous voulez garder votre information, faut aller sur les réseaux sociaux. Et moi je ne vois que les réseaux sociaux pour que le peuple puisse se défendre contre ces bandits. Parce que là, c'est une guerre d'une violence, la guerre économique est d'une violence absolument terrible. Là, la guerre, elle n'est pas jolie, la guerre militaire. Mais la guerre militaire, on sait où est notre ennemi. Là, c'est beaucoup plus compliqué, hein, cette guerre économique, parce qu'il est invisible, l'ennemi. Moi, je trouve que... Non, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que le citoyen... Je me souviens, dans le film de Colin Serros, je me rappelle plus de son nom, mais ce Brésilien qui disait « Mais vous, citoyens, c'est nous qui avons le pouvoir. En fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Si on n'achète plus un produit. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de dire boycotter. Pourquoi ? Parce que ce mot est extrêmement... normalement, vous n'avez pas le droit d'inciter au boycott à un produit. C'est absolument interdit. Pourquoi ? Parce que si c'était ça, ben ces multinationales sont à genoux si on ne vous achète plus. Il ne faut pas grand-chose hein, pour se nourrir. Hein, si, les surfaces qui sont données à l'heure actuelle pour construire le droit de construire une maison, je crois en France, on n'a pas le droit de construire sur moins de 800 mètres carrés, hein, je crois, ou 500 mètres carrés. Vous avez 500 mètres carrés. Si vous avez votre maison, si sur ces 500 mètres carrés, la maison en occupe 100, il vous reste 400 mètres carrés autour. Avec 400 mètres carrés, vous vous nourrissez. C'est-à-dire avec 400 mètres carrés, vous pouvez mettre un poirier, un pommier, un cerisier, votre jardin potager, des poules, vous avez vos fruits, vos légumes... On ne se nourrit pas complètement, si tu veux. T'as tes poules, t'as tes œufs et tout, mais en fait, t'es quand même déjà très, très autonome. Très, très autonome. C'est plus grand-chose. Pour un jardin potager, pour nourrir pleinement une personne toute l'année, il faut 90 mètres carrés. C'est pas grand-chose, hein. Donc, si vous êtes 4, il vous faut 4 fois 9, 36. Il vous faut 360 mètres carrés. Un jardin potager de 360 mètres carrés. Ouais. Et vous mangez. Avec une connaissance comme faisaient les anciens. Ah, par contre, il faut savoir cultiver ça. Voilà. Je parle tout ce qui est de faire son maraîchage, ses fruits, des petits animaux, des pigeons, avoir des pigeons chez soi, avoir des lapins, des poules pour avoir des œufs frais, donc l'essentiel protéique, quoi. Vous avez pas, et puis ça, ce qui fait que vous achetez de temps en temps du poisson, de temps en temps du bovin, mais l'essentiel de vos besoins protéiques sont couverts. Bah vous êtes déjà, je veux dire, c'est déjà bien, quoi. Hein, vous avez déjà fait l'essentiel. Après, c'est vrai qu'il faudra acheter du pain parce que bon, faire du blé, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir faucher, il faut savoir conserver le blé, il faut savoir ensuite faire la farine, ensuite faire le pain. Bon, ça, c'est déjà un peu plus complexe. Hein. Ça, c'est plus... Mais le maraîchage, faites des journées de jardinage, vous l'apprenez. Hein. D'ailleurs, les choses, dans le côté positif, les choses sont en train de changer. Il y a une jardinerie botanique, pour la nommer, en fait, qui a décidé, ça fait déjà quelques années, en fait, qui est passée en biologie. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun produit de synthèse dans cette jardinerie. Il n'y a plus de glyphosate, ils ont d'autres moyens. Il n'y a pas d'insecticides, par exemple, pour lutter contre un arbre fruitier qui aurait les fourmis qui gagnent et tout. Ben, ils reprennent les vieux médicaments, médecine d'autrefois. C'est la glu, c'est les anneaux et tout. Et en fait, ils nous disaient, cette jardinerie nous disait, c'est incroyable. Avant, on vendait que du floral, que du paysage, du floral, des fleurs, des arbres et tout. Et il dit, là, il y a une augmentation de demande de plants, de salades, de tomates, de légumes. Et il dit au départ, bon, on avait des plants comme ça, et une demande de plus en plus accrue de plants bio. Donc, il dit, il y a des gens qui font leur jardin sur leurs tomates, 2-3 salades sur leur balcon en ville. Il dit, ça, c'était impensable il y a 10 ans. Donc, ça, c'est quand même plus que positif, hein, puisque c'est une jardinerie qui a presque 70 magasins au travers de la France. Donc, ça veut dire que ça a un impact. Et bon, ça, comme nous, quand ils ont démarré, quand ils ont pris ce choix d'arrêter les produits de synthèse, les pesticides et ça, il dit que, bon, pendant un moment, il a fallu qu'ils fassent le dos rond et tout. Mais pour l'instant, puis en plus, ils sont complètement dans la mouvance. Donc, ça, c'est première chose. Chose aussi intéressante, c'est que les multinationales les supermarchés ont une chute de la vente de leurs produits frais, 20% de chute. Donc ça veut dire que ça veut pas dire qu'on mange moins 20%, c'est que ces 20 autres %, soit c'est des gens qui, au lieu d'avoir un jardin de fleurs, se sont mis à faire du jardin, donc achètent moins de tomates, ils ont leur propre tomate. La tomate, c'est pas difficile à faire. La courgette, c'est pas difficile à faire. Une salade, vous achetez un plant, c'est pas difficile à faire. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Faire, comme dit Claude, faire son compost avec vos déchets dans le coin de votre jardin. Quand Claude dit qu'avec 90 mètres carrés, on peut nourrir, là, c'est vraiment, c'est ce que faisaient les anciens, les vrais maraîchers, avec des couches chaudes, une rotation, jamais la terre à nu. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, se satisfaire avec faire sa salade de tomates ou manger ses salades et tout, et ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est à la portée d'un enfant. D'ailleurs, on fait bien faire les gens, quand ils ont en campagne, nous on l'a fait, eh bien nos gamins étaient tout petits, eh bien, ils avaient un bout de jardin, ils mangeaient leurs radis, ils étaient ravis, donc ça, et il y a beaucoup de, dans le monde rural où des gens qui font ça. Et je trouve que c'est bien. Les supermarchés ont une chute de ces produits frais. Donc ça veut dire que les Français se retournent vers les AMAP, les jardins, la ruche qui dit oui. Donc il y a quelque chose de positif. Non, c'est le côté positif de la crise. Hein, c'est que face à une crise, l'homme il se laisse pas abattre. Hein, il reprend son indépendance. Hein, il découvre que la meilleure façon de lutter contre une crise, c'est de redevenir indépendant, hein, reprendre sa liberté. Hein. Message de vie. Donner à comprendre. Lydia et Claude Bourguignon, ingénieurs agronomes et docteurs en sciences, ont effectué plus de 5000 analyses complètes de sol en fondant leur laboratoire privé, le LAMS. Ils ont pris conscience de deux points fondamentaux pour redonner la vie au sol qui sont le rôle incontournable de la faune et des champignons dans la fertilité des sols agricoles et de l'importance de cette nouvelle gestion des sols que représente le semi-direct sous couvert. Car les raisons de la mort des sols agricoles sont l'abus des pesticides et des engrais chimiques qui détruisent la microflore et la faune des sols. Les labours qui, en exposant la terre au soleil et à la pluie, sont la cause de la disparition de la matière organique et de la désertification des sols. Retrouvez toutes les vidéos de Claude et de Lydia Bourguignon sur Internet et leur livre « Le sol, terre et les champs » aux éditions Sang de la Terre. Je vous retrouve la semaine prochaine. Message de vie. Donnez à comprendre. Portez-vous bien.